merci à Stéphane Deschamps, Mohamed Mahatouki, Sonia, Karim, Hélène, Mohamed, Laetitia, Delphine Holstein, Pierre Rouillet-Patrier et toutes les jeunes filles du centre éducatif fermé. Tu pars en week-end, là ? Ah ouais, je me casse ! Ciao ! LSD pour aujourd'hui, c'est terminé. Bibliographie, lien ou pour nous réécouter en centre éducatif fermé, c'est sur la page de l'émission sur franceculture.fr. Et les pages, c'est Marivonne Abolivier, Mathias Mégy et Anne-Lise Signoret. Vous pouvez aussi nous podcaster sur toutes les plateformes, nous trouver sur la page Facebook de France Culture, nous suivre sur Twitter et même sur Instagram. N'hésitez pas à nous laisser des commentaires. Demain, deuxième épisode, la famille ou la prison.